Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast, et ça une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous. Xavier et Ruby, et notre chère petite dont j'oublie toujours le nom, Alina, qui vous arrivez donc chez le psychologue, ce cher Victor Bishop, si je me souviens bien de son nom. Ouais, Victor Bishop. Donc dans son petit cabinet privé de psychologue, vu que comme on l'avait établi la dernière fois. Il y a eu des nettoyages à Arkham, mais du coup, il n'a plus son emploi principal maintenant. Il n'a plus que ses consultations sur le côté. Bon, vous il s'est fait un petit. Comment on appelle ça? Un carnet d'adresse? Ouais, il s'est fait un petit carnet d'adresse avec le temps. Donc, vous arrivez sur les lieux et vous n'avez pas à attendre longtemps avant que son client quitte la pièce et qu'il vous fasse rentrer. Il vous fait rentrer en fait et il pose directement les yeux sur la petite et il dit ah alors c'est donc, pas le donc bon, c'est le jour de ma mort c'est ça oui, non. Oui c'est le jour de ta mort oh mais non faut pas voir ça comme ça c'est pour pas prendre de risque peut-être que la petite d'ailleurs au début elle est cachée sous un parapluie tu sais un oui, truc qu'on aurait déplié le temps de la sortir de la voiture même pour l'autre client sur un truc qui c'est qu'elle tiendrait volontairement trop bas, qui l'entourerait quasiment totalement, tu vois. Mec, il fait pas trop louche non plus. Tu sais pas, en mode parapluie, il fait grand jour, quoi. S'il genre, pleut pas, ouais, c'est ça, s'il pleut pas, il ne pleut pas. Un peu louche, mais... un pancho, alors. En vrai, il y a du genre. Ouais, un pancho. Ouais. Vous l'avez caché comme vous pouvez. Vous l'avez mis des affaires sur le dos et vous l'avez fait rentrer. Donc, il vous regarde, il dit donc c'est à propos d'eux ? Une thérapie familiale ? Non, je rigole. Oh, c'est pas si éloigné de la vérité. Oui, hein. Oui. C'est une thérapie, mais d'abord pour les enfants. Vous faites tout ce qui ouais, est. On a besoin de tes talents particuliers, Doc. Très bien, oui, dis-moi en plus. Une opticatrie. Mmh. Bah, ouais, ah, je sais faire bien des choses. Donc, vous inquiétez pas. Globalement, en fait, on a juste besoin de savoir si. Enfin, de discuter avec elle sur les derniers événements, comprendre comment elle est arrivée jusqu'à nous, voir un peu son état, comment elle est. Quoi. On a besoin d'un petit bilan de ces derniers. D'accord. Un bilan, c'est le mot, je pense, ouais. Oh, t'en fais pas, je m'y connais un peu, hein. J'ai fait des études. Oui, j'imagine. Oui, et puis au-delà des études, je pense que t'as dû faire 2-3 consultations aussi. D'accord. Bah, arrêtez bon, avec ça. Asseyez-vous. Tu sors d'Arkham, me dis pas que... C'est Yasmine qui sort d'Arkham, moi j'y étais forcé. Oui, enfin, bon, par la force des choses, pardon. Sans vouloir créer de stigmatiser. Enfin bon, on n'est pas là pour parler de toi. Oui, très bien. Installez-vous sur le divan, s'il vous plaît. Très bien. Donc, il s'installe, lui, sur sa petite chaise en face du divan sur lequel, du coup, vous vous êtes assis. Et il essaye un peu d'engager la discussion avec la petite. Je vous refais pas la discussion, mais en gros, il commence un peu à s'introduire, il essaye de gagner un peu sa confiance, ce genre de choses. Il pose 2-3 questions et il s'avère qu'il a pas l'air de trop avancer plus loin que ce que vous avez fait. Il pose un peu des questions sur la relation qu'elle a avec sa mère, ce genre de choses, mais ça, pas, tout ce qui en vient spécialement à ce qui pourrait vous intéresser n'a pas l'air de venir. Et il finit par arrêter la discussion, se tourner entièrement vers vous, et il dit ouais, j'ai bien peur qu'elle ait pas spécialement envie d'en parler, ou peut-être même qu'elle soit sous l'effet d'un blocage. Ou de la drogue. Mais ça, c'est ce qu'on avait reparqué sans vous. Si on est venu vous voir, c'est pour... Oui, très bien, très bien, non, mais... Écoutez, dans l'art de l'étiquette et de la discussion, j'introduisais le sujet qui disait « Est-ce que vous voulez que je l'hypnotise ?» Ah, oui. Vous faites ça ? Vous faites ça. Ah, attendez, ça ne touche pas à son intégrité. Intégrité... J'ai parlé trop difficilement pour vous, c'est ça ? Intégrité physique, intégrité physique et psychologique, aucun souci, mais intégrité morale, peut-être moins. Oh, vous savez, on est à Gotham. Ouais, je suis entouré de criminels. Bon. Ne vous en faites pas, Yasmine, c'est un professionnel. Enfin, Xavier, pardon. Évidemment. Professionnel. Je suis diplômé de l'Académie de Bogota, après tout. Et il vous montre son diplôme sur un mur derrière. Vous êtes allé en Colombie ? Ok. Oui. Il se trouve que je n'ai pas été accepté dans les différents états des États-Unis. Mais ce n'est rien. Ça, c'est à cause de votre casier judiciaire. C'est différent. C'est différent, en effet. Et il faut dire qu'il trouvait douteux le fait que mes premières expériences médicales, mes premières expériences sur le terrain, aient été en tant que volontaire sur le front de Yougovie dans mes jeunes années. Donc, Mais j'ignorais cette partie de votre histoire. Ce n'est pas important, vous savez, je ne suis pas censé en parler. Officiellement, oui, nous étions là pour soigner tout le monde. Bref. De quel côté vous battiez-vous, savoir si je dois vous présenter à Marco ou pas ? Il a déjà connu Marco et Marco... J'ai déjà rencontré Marco et il y a une raison pour laquelle je n'en ai pas parlé. Ok, d'accord, très bien. Bon, ça restera entre nous alors. Très bien. Parce que là, je vais pas vous mentir que votre intégrité physique, morale et psychique ne pourrait rien garantir. Bon, mettons-nous au travail. Il va donc chercher son équipement et il sort l'espèce de petit minuteur qui balance son aiguille de chaque côté. Il le pose devant la petite et il dit 2-3 petits trucs classiques du genre tu vas respirer, enfin inspirer, expirer, tu vas te concentrer uniquement sur ma voix et ce genre de choses. Tandis que le silence est coupé à chaque fois par des tic tic tic tic de l'aiguille qui se secoue. Je chuchote à JB, Yasmine, Xavier techniquement aussi. Il y a un monde où on peut l'hypnotiser pour qu'elle n'oublie nos visages. Je crois pas que ça marche comme ça. Parce qu'en fait, ça marche que le temps d'hypnose. Ou alors, par exemple, pour les trucs traumatiques et tout, en fait, ça prend beaucoup plus de temps, Ruby, et c'est des trucs où... Enfin, ça fait pas oublier, quoi, ça fait passer des blocages, des trucs comme ça, mais l'hypnose n'a pas d'impact sur le long terme. Très bien. Où te trouves-tu maintenant ? T'es pas objectif, tu l'as noté. Si tu veux, moi je peux être encore plus objectif. On a déjà essayé. C'est très bien. Avance vers la porte. Du coup, vous chuchotez pendant que lui il commence sa session. Parfait. Et dis-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un avec toi dans la pièce ? C'est une bonne chose. Maintenant, je veux que tu repenses à ce moment, au dernier moment où tu as vu ta maman. Elle, vous la voyez qui, maintenant qu'elle elle a les yeux fermés, sous ses indications, elle a fini, elle a fermé les yeux. Et son visage blanchi, il faut avouer, elle a l'air pas parfaitement bien. Et je vais demander à chacun de vous trois de me faire un jet en volonté, s'il vous plaît. Ok, très bien. J'ai combien, moi, en volonté ? Voilà. Je veux que tu récupères ce que tu as oublié. Rappelle-toi à présent. Bon, Yasmine ne reviendra pas. Hein. Elle est en guerre. 83. C'est pas mal. J'ai fait 55. Et j'ai moyen. Ok. On va tous être hypnotisés. On va rien faire à notre live. Mais oui, c'est vrai. J'ai fait 37. 37, ok. Moi, 83, alors que je suis bon. Ok. C'est pas non plus incroyable. Très bien. Ruby, au moment où Monsieur Bishop claque des doigts pour envoyer la petite dans ce qu'elle a oublié, il semblerait que toi aussi, tu partes vers ce que tu as oublié. Oh non, j'ai trop l'habitude. C'est mon médecin après tout à la base. C'est vrai. Tu es habitué à suivre sa voix et tu réouvres les yeux dans une vieille maison en ruine. Vraiment crade et étoiles d'araignée partout. Tu es a priori seul, il y a une ambiance lugubre. C'est presque comme si tu pouvais entendre ces notes de piano qui indiquent que tu es dans un endroit hanté. Il y a une brume profonde qui a l'air de venir de tous les interstices dans le bois, dans tous les trous dans les murs. Donc, je pense que je commence un peu à paniquer, j'essaie de me retourner et tout. T'essayes de te retourner, tu es libre de tes mouvements, tu regardes tout autour de toi. En tournant sur toi, c'est comme si à chaque fois que tu revenais à l'endroit que tu venais de quitter du regard, les lieux avaient changé. C'est un peu comme dans ces rêves où quand tu regardes dans une direction, tout va bien, et une fois que tu regardes ailleurs, le décor a changé entre-temps, quand tu y reviens, parce que le cerveau n'a pas le temps de se souvenir de ce qu'il a inventé. Et c'est toute une série d'architectures assez étranges, des couloirs qui partent dans des directions dans lesquelles tu n'es pas sûr de pouvoir marcher. Et alors que tu tentes de faire sens de tout ce que tu vois, tu finis par te retourner une dernière fois et trouver au milieu de la pièce, assis sur ce qui semble être une chaise tout aussi pourrissante que la baraque, un homme encapuchonné, un masque à gaz sur le visage à moitié recouvert comme d'un sac à patates. Il est habillé de paille et de tissu déchiré. À la place de ses mains, il a ce qui semble être des choses mécaniques qui se terminent par des aiguilles. Ses yeux brillent d'un jaune fantasmagorique. Et il rigole avec ce qui semble être une déformation de la voix. Qu'est-ce que vous faites ici ? Mais j'ai toujours été là. Dans tes cauchemars, dans tous les cauchemars de tous les habitants de Gotham. Je m'en parle plutôt aussi, ok. Je pense que j'essaie de me pincer. Tu vois, je commence à capter. En vrai, j'ai déjà fait plusieurs séances de drogue psychoactive. Je pense que j'ai l'habitude. J'essaie de me pincer voir, et je vois si ça marche. T'essayes de te pincer. L'hypnose, donc c'est encore différent. T'essayes de te pincer et t'arrives pas spécialement à saisir ta chair. Ouais. t'arrives pas à te faire mal. Et il dit, oh, mais tu veux me quitter maintenant? Tu sais, si tu meurs dans le cauchemar, tu meurs aussi dans la vraie vie. Il se lève et il approche de toi, comme pour te saisir avec ses aiguilles. Est-ce que tu souhaites faire quelque chose? Ouais, j'ai mis un mouvement de recul. Et je dis, qu'est-ce que vous attendez de moi? Je veux juste t'entendre crier, c'est tout. Il pointe juste un seul doigt vers toi, une aiguille vers toi. Et il dit, est-ce que tu veux te souvenir de ce que tu as oublié? Que j'ai oublié? J'attends une réponse. J'essaie de me creuser les ménages. À ce moment-là, je sais, j'ai du mal à cerner exactement ce à quoi il fait référence. Et puis, je finis par acquiescer. Mais avec toujours un air un peu méfiant et dubitatif, comme si je... Bon, ce qui n'a pas de sens, étant donné le contexte, mais c'est comme si au moindre faux pas, je m'apprêterais à courir, à partir en courant, quelque chose comme ça. Ok. Tu acquiesces, prête à partir directement dans l'autre direction, et il avance son doigt vers toi, vers ton front. Mm-hmm. Et l'aiguille commence à toucher ton front, et il l'enfonce. Ça ne te fait aucune douleur, mais tu sens comme une gêne. Il traverse a priori ta peau, ton crâne, ton cerveau. Mais ça n'a aucune douleur. C'est étrange. Et au moment où tu le sens toucher le centre de tout ce que tu es, tu vois à la place de son visage le visage de Black Mask. Enfin, en tout cas, son masque. Le crâne noir, cendré, presque brûlé. Il te regarde avec un air sadique et tout ce que tu entends, c'est une voix grinceuse que tu n'as jamais entendue. Après tout, tu ne l'as jamais rencontrée, Black Mask, mais que tu sais parfaitement être la sienne. Et il dit, alors il m'appartient maintenant? Et vous entendez, enfin tu entends une autre voix qui a l'air de venir d'ailleurs dans la pièce. Une voix que, elle, tu as vraiment entendu déjà, la voix de ce qui semble être le banquier qui dit oui, avec toute ma plus grande sympathie. What? Ok, what? Et alors que tout s'embrume à nouveau, alors que tu te fais absorber par toute cette toxine, est-ce qu'elle existe véritablement? Difficile de le dire. Tu commences à comme perdre conscience et en perdant la conscience, tu la regagnes. Car tu te réveilles de nouveau dans le petit cabinet du docteur Bishop. Tu te réveilles de nouveau et personne a priori a l'air d'avoir remarqué que tu étais parti en même temps que la petite. De votre côté, JB et Xavier, vous avez pu entendre ce qu'a décrit la petite pendant son voyage dans l'inconscient. Et a priori, de ce que vous avez compris de ses propos confus, il semblerait que elle était en chemin. Dans la voiture de sa mère, simplement, avec sa mère, en direction du manoir Wayne, où, a priori, elle et le monsieur, comme elle dit, s'étaient mis d'accord. La mère, évidemment. La mère et monsieur Wayne, du coup, s'étaient mis d'accord. Et qu'elle allait avoir un manoir. Elle a parlé spécifiquement d'elle, la petite, allait avoir un manoir. Et pas sa mère n'a pas dit qu'elle allait en avoir un. Et elle a décrit ensuite, tout simplement, un grand choc, le fait d'avoir senti toute la voiture, du coup, s'envoler. et d'avoir été récupéré par des hommes au visage de clown. Qui a priori voulait l'amener, en tout cas de ses mots, au boss. Chose qui a priori n'a pas eu lieu parce que les hommes au visage de clown se sont fait tuer. Voilà, elles se sont fait tuer et elle a été récupérée par la Madame Bizarre. Ah oui, bon, bof. Après quoi, elle a finalement été amenée à vous, après peut-être quelques jours, elle n'est pas trop certaine de combien de temps, mais elle a été bien traitée a priori quand elle était avec la Dame Bizarre. Donc elle a été bien traitée. J'essaie de soulever Xavier. Je suis désolé, je crois que j'ai pas trop suivi ce qu'elle a dit, désolé, je me suis un peu assoupi l'espace d'un instant, je suis un peu à grosses gouttes, et je passe ma main au niveau du front. Est-ce qu'elle a parlé? Oui. Oui, oui. Parfait. C'est d'ailleurs, vous pouvez remarquer, maintenant que vous êtes un peu moins concentré sur que ce soit vos visions fantasmagoriques ou les révélations de l'accident, vous pouvez remarquer les messages de Pi qui vient d'en envoyer un deuxième. Incroyable. Qui vous indique donc que beaucoup de gens a priori cherchent la petite, dont Black Mask, les triades, ce genre de choses. Et qu'il veut que vous le rappeliez sous peu. Je lui envoie qu'on finit la séance et qu'on le contacte. Très bien. On est en sécurité, voilà. Je mets 2-3 petits détails, mais t'en fais pas, pour l'instant tout est géré. Ok. Il répond de manière déçue a priori, j'envoie ok avec 3 petits points. Il y a un smiley qui pleure. Non, il n'y a pas smiley qui pleure a priori. Juste du côté de Marco, je dis pendant ce temps-là, dès qu'il y a eu le premier SMS, Marco il est revenu illico presto au Harold Levy. Évidemment, très bien. Le docteur Bishop, du coup, vous indique que, bon, c'est tout ce que je pourrais avoir pour les moments qui vous intéressent. Si vous voulez plus d'informations sur... Ce sera pas nécessaire pour aujourd'hui, mais je pense c'est bien ce que je pensais, oui. Pourquoi s'intéresser aux instruments ? On prendra rendez-vous la semaine prochaine. Oui, c'est ça. Oui. C'est par contre, je pense qu'on va pouvoir continuer sur le long terme. Enfin, vous êtes disponible le mercredi à 16h ? Pour vous ou pour votre jeune ami ? Pour notre jeune ami. Non mais d'accord. Nous, ça va, nous, enfin... Enfin, vous savez que, vous, savez que vous avez une obligation légale de venir me voir. Toutes les deux. Attends, moi aussi. On le fait. Yasmine y va régulièrement, non? Ok. Oui, le blond. Très pas bien. Tous. De toute façon, là, ce qui est important, c'est la petite. On verra pour nous plus tard, messieurs, vous en faites pas. On va juste avoir des soucis avec la justice, mais tout va bien. Très bien. Je vais devoir vous demander de partir. De toute manière, j'ai un criminel multi-récidiviste qui doit venir à votre suite. Donc, Le cannibale pour qui ? Non, aucun rapport avec le cannibale. Vous croyez que j'ai que vous et le cannibale comme client ? Non, celui-ci rentre juste dans les appartements et se masturbe dans les salles de bain, c'est tout. Il y a un enfant. Oui, s'il vous plaît, votre langage. Très bien. Vous pouvez partir ? Bon. À la semaine prochaine. Ouais, à la semaine prochaine. Je lui fais un chèque et on y va. Tu fais un chèque au docteur Bishop. Vous quittez les lieux et vous rendez au Avoir Alibi, j'imagine ? Directement. Ouais, on appelle Pi sur le chemin pour le rassurer parce qu'il est stressé, okay. Le pauvre. Du yoga, dis-lui qu'il fasse du yoga, Xavier. Ah mais, alors ça tombe bien parce que, bon, Yasmine veut pas y aller, mais moi je connais une adresse. C'est très important, vous savez. Oui. Il faut se lever, les douches froides, tout ça c'est très important. Très bien. Bon, vous discutez pendant le voyage, vous appelez Pi pour lui dire que tout va bien, et Pour oui. faciliter les choses, disons que vous arrivez au Hour Alibi pour avoir le gros de la discussion. Parfait. Vous vous retrouvez dans votre fameuse petite salle secrète. Est-ce que vous amenez la petite avec vous ou est-ce que vous la renvoyez être surveillée par Megan, la babysitter? Bah, si vous voulez, moi je peux la surveiller. Comme ça, Megan peut être au bar. Mais on prend beaucoup de risques, hein, même là, faudrait limite. Je suis désolé, hein, mais lui mettre le sac à patates sur la tête, quoi. Non, t'inquiète. Puis après, en fait, quand elle est dans les HLM, on sera tranquille. Je suis d'accord, quoi. Et elle vous a pas donné dans son Eiffel, là, le médecin? Mais non, mais Quand les autres disent qu'ils sont, là, qu'ils sont pas d'accord, etc., je marmonne. Ils vont tous nous faire tuer. Vous voyez, je suis très stressé. Je tape sur la table avec mes doigts en mode stressé. On n'a pas le temps là de parler de trucs comme ça. Je veux dire, là, il faut que la petite s'en aille d'une manière ou d'une autre. Y a trop de monde sur l'affaire. Black Mask. Les triades, rien que votre petite balade pour aller chez le psy, il suffit que n'importe qui l'ait vu ou que le psy parle. Mais personne l'a vu. Et ils vont nous retomber sur le col. Tiens, c'est bizarre ça, je me demande si c'était arrivé. Si quelqu'un serait pas parti pendant qu'on votait ce qu'on allait faire. Hein? Non. Donc mais... peut-être prochaine fois, restez quand on décide les choses. Oui, enfin, si je n'étais pas parti, je dirais. Si j'étais pas parti, j'aurais pas su que on n'aurait pas su que Black Mask et les Triades étaient sur le coup. Non mais je me suis renseigné. Il doit avoir un moyen de pas livrer cette pauvre gamine en pâturage. La meilleure chose à faire. Puis pourquoi ça fait aussi peur quoi. C'est je pense faire d'une pierre deux coups et la rendre à Wayne. Oui, et en vrai, moi, je propose même, on lui propose de lui rendre, et s'il veut pas la garder, on peut la garder. Non, on lui rend, on demande rien, s'il veut nous donner quelque chose, il nous donne quelque chose, mais après, on est débarrassé. Non, par contre, je suis d'accord que faire un pas vers Wayne est une bonne idée. De toute façon, elle le manoir... Il la cherche. Oui, il la cherche, et en vrai... Petite question, vous nous avez dit que... Vous avez fait part de ce que vous avez eu? Vous avez fait de la raptation? Oui. On raconte tout. Sauf moi, pour l'instant, je garde pour moi la séance. Donc l'hypnose de la petite, vous nous l'avez traitée. Voilà, ils la cherchent. A priori, ils se sont mis d'accord. Bon, bah, malheureusement, les mecs du Joker, ils sont tombés dessus. Puis l'autre, elle a voulu se venger, elle nous l'a refilé. Bah écoute, on a qu'à dire que on a gardé la petite un moment parce qu'on savait que tout le monde la cherchait et qu'on lui rend en toute discrétion. C'est tout. Et vous avez pas peur qu'ils pensent que c'était nous à la base? La petite, tu vois bien qu'elle n'est pas traumatisée avec nous. Si on avait été des tortionnaires ou qu'on avait fait quoi que ce soit, ça se verrait tout de suite. Et puis au pire, Wayne, il a assez d'argent pour lui aussi payer un psy, voir ce qu'elle va dire. Ce que je veux dire, c'est elle a pas peur de nous. Oui, totalement. Et puis Wayne, Wayne, il faut la rendre Joker. Non, vous êtes malade, il va lui faire du mal. On n'est pas un Yogobi, c'est une gamine, il faut la rendre à son père. Si on la rend au Joker, c'est lui qui va croire qu'on a descendu ses gars. Oui, mais non, on va lui raconter l'histoire. Non, mais de toute façon, il va lui faire du mal. On vienne d'abord tuer ces gars pour ensuite lui rendre son otage. C'est quoi le sens de ça? Non, mais de toute façon, moi, je fais pas de mal aux enfants. Désolé, Marco. Oui, voilà. Qu'est-ce qu'il va faire mal? Il va demander rançon comme tout le monde. Arrêtez de faire les... Eh bien, autant que la rançon, elle soit chez nous plutôt que chez lui. Oui, mais il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. Il nous faut des alliés contre Black Mask. J'ai peut-être quelque chose à vous proposer. Plutôt que d'aller voir Wayne directement, si jamais on part sur ce plan-là, est-ce qu'on ne mettrait pas plutôt en place le protocole dans lequel il va pouvoir la récupérer? Est-ce qu'on ne prendrait pas plutôt contact avec son majordome? Attends. Il doit bien avoir un serviteur, un truc de confiance, une espèce de conseiller numéro 1, non? Après, j'ai cru comprendre d'après la presse à scandale qu'il se la jouait plutôt solitaire, mais... Non, mais moi, de toute façon, je suis pas pour la rendre à Wayne. J'ai dit... Parce que rien que contacter Wayne, comment vous voulez faire ça? Enfin, je veux dire, le type doit crouler sous les infos. Enfin, je veux dire, vous pouvez pas juste lui envoyer un message sur Twitter, quoi. Alors peut utiliser notre réseau. Je peux demander à Looney de faire en sorte de passer un message à Wayne. Oui, non, mais oui. Mais moi, je vous demande juste de, s'il vous plaît, un peu de bienveillance envers cette enfant. Elle a 8 ans, elle a déjà subi assez de traumatismes comme ou ça. Ou sinon, si on peut faire ça doucement. Non, non, ils non. Ils doivent crouler sous vraiment. Les infos, sous les fausses propositions de chantage, ouais. Etc. Ça, je suis moi, je vous propose plutôt qu'on aille voir le majordome. Limite, on le kidnappe. Non, comment, on va juste foutre la merde. Non. Moi, j'aimerais avoir une proposition. On l'amène à l'endroit où on la détient. Okay. Et on le libère, et du coup, on lui dit, vous pouvez venir la chercher, tu vois, un truc comme ça. On s'assoit à la table derrière lui, tu vois, au restaurant, tu vois, un truc un peu élégant. Je vais appeler Looney, et je vais voir s'il a un contact proche de Wayne. Non, je suis contre. Okay. Moi, j'aimerais bien faire une proposition, vu que personne ne m'écoute. Vas-y, Libé. Si. Moi, je propose qu'on fasse une lettre avec une photo d'elle qui est encore en vie. Je pars en moto jusqu'à un endroit où Wayne a l'habitude. Je laisse la lettre pour lui dire un lieu de rendez-vous qu'avec lui et qu'on lui rend sa fille sans faire d'histoire. Et qu'on l'a trouvée dans les rues de Gotham en train d'errer toute seule. Et vous avez pas peur que Wayne il nous fait pas confiance et qu'il appelle Batman ? Non mais... Riche comme il est, doit bien avoir des contacts. Pour moi... Qu'est-ce que tu crois ? C'est être surdimensionnel, pas la police. Qu'on peut pas se contenter de dire on veut pas la police, quoi. Parce qu'il y a littéralement la possibilité qu'il nous envoie... Non, mais on peut arranger une rencontre, toute simple. Je suis d'accord, Wayne doit être quelqu'un d'honnête, et je pense que si on lui explique, si vous lui expliquez la situation... Bon, excusez-moi, mais jusqu'à présent, les criminels, pour l'instant, ils sont plutôt là. Il y a qu'une personne là qui n'arrête pas de proposer de maltraiter une gamine, de la vendre, de la tuer, je suis désolé. J'ai proposé plusieurs options. Maintenant, il faut arrêter d'être hypocrite. Oui, on est criminel, donc on est là pour faire argent et gagner pouvoir. Je suis pas de votre milieu, Si tu n'es pas de ce milieu, tu ne prends pas de décision et tu ne parles pas. Est-ce que tu crois pas... Oui, mais il y a un enfant de 8 ans, quand même. Non, mais est-ce que tu crois pas qu'on a tout à gagner à lui rendre la gamine ? Peut-être que Wayne va apprécier le geste et va nous rémunérer gracieusement. Ou qu'on va se faire torturer. Mais pourquoi ? C'est un homme de business. Si on est honnête. Le business, ça, je m'y connais, hein. Jusqu'à présent, il s'est arrangé avec la mère. Il l'a pas tué. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié ça. Mais justement, moi, je pense que on peut gagner plus. Je propose un vote. Qui est ici pour rendre la petite à Wayne ? Mais je suis contre. Ok, donc ça fait que 3. Pour toi, Ruby, est-ce que tu es pour ou contre ? Moi, j'aime aucun des deux plans. Ok, donc on va dire que tu ne te prononces pas. Donc, quoi qu'il arrive, ça fait 3 votes contre 2. Donc, moi, j'ai un truc à dire. Je dois vous rappeler que sa mère et elle partaient pour aller Wayne. Donc, ça veut dire que lui, il l'attendait. Donc, si nous, on lui ramène, il faut juste qu'on invente un bobard en disant qu'on l'a trouvé comme ça. Il n'y a pas de bobard. On l'a ramené, de toute façon. On a récupéré la petite parce qu'on nous l'a emmenée. Les gens savent que à Rallyby, on est des gens neutres et qu'on se... Voilà. Et on l'a protégée parce qu'on savait qu'elle était... Je sais pas si on l'a gardée, hein, cette réputation. elle était pourchassée par les Black Mask et tout ça. Et du coup, quand on a une ouverture pour lui ramener, en toute discrétion, bien sûr, personne ne saura que c'est nous qui ont laissé la petite. Et voilà, ça restera entre nous et Wayne. Cet homme masqué a raison. Je propose, puisque moi je suis contre cette proposition, qui est pour rançonner la petite, si jamais on la livre à Wayne. Moi je suis pour. Parce que moi je suis contre le fait de ne pas gagner d'argent. Moi je suis contre le fait de penser qu'il sera de bonne... comment dire, de bonne volonté. Je vous rappelle quand même que c'est un type qui a licencié plus de 800 employés via une vidéo. Enfin, ça c'est le marché, je suis désolé. Enfin, c'est un type qui paye pas ses impôts, c'est un... enfin, je veux dire, voilà, il se passe pas, il y a toujours des scandales. Non, mais... Et nous, alors, on fait quoi? On tue des gens, on fait du business, mais... on vend de la drogue, je veux dire, on n'est pas des scandales non plus. C'est un homme masqué, l'homme le plus raisonnable de ce groupe, hein, je tiens à le dire. Je veux dire, on n'est pas recommandable non plus, donc à un moment donné, des fois, on peut faire une bonne action et laisser une petite à son peut-être père. Vous la faites, cette lettre? Je suis contre. Je la porte, moi. Non, pour ça, je voudrais d'abord qu'on décide c'est quoi nos ambitions sur le long terme et en quoi est-ce qu'on pourrait éventuellement utiliser cette carte monumentale qu'on a pour comment dire... Parce qu'au pire, on sous-traite. Je veux dire, au pire, on la file aux détectives privés, on prend un billet colossal et eux, c'est à eux de se démerder contre un alibi. Personnellement, connaissant Wayne, et on le connaît tous ici, c'est quelqu'un qui est ultra puissant dans Gotham et disons que peut-être il pourrait, à l'occasion, nous aider, je sais pas moi, quelques bâtiments où on pourrait s'arranger pour pouvoir s'implanter autre part aussi que dans Arkham City. Gotham aussi, et ça peut être bon pour le business. Tu veux franchiser le Alibi? Pas le franchiser, mais avoir d'autres connexions en dehors de Arkham City. Je pense que tous les gros, les grosses pointures, Black Mask, les Black Mask Triad, je suis sûr qu'ils ont des points d'attache en dehors de Arkham, c'est pas possible. Oui, enfin, après je me dis que comparé à eux, c'est pas sûr que dans 6 mois ou un an, on soit encore là. Alors, est-ce que c'est pas risqué de déjà penser à, je sais pas, mais le truc, c'est que personne ne saura que nous, on a laissé la petite à Wayne. Ce sera entre Wayne et nous. Il en fera pas, il fera juste qu'il a retrouvé, il dira juste qu'il a retrouvé la petite, qu'on lui a ramenée, et point barre. Il est pas obligé de dire qui. Ouais, bon. Mais donc, okay. Moi, je suis pas, tu vois, je suis pour ça. Moi, je suis plus d'accord avec ça. Déjà comme idée. Mmh. Moi, je suis d'accord avec ce que dit Ruby de Fit là tout à l'heure. Moi, je suis pas ça parce que je suis sadique. Je fais ça parce que je veux gagner sur mais le long terme. Mais on peut gagner. On a tout à gagner. Oui, mais on peut gagner sans lui faire du mal, quoi. Mais si on peut gagner plus en lui faisant du mal, moi, je suis pour gagner plus. Mais on a tout à gagner à être proche de Wayne. Wayne, c'est le boss ultime de Gotham. Il n'y a pas plus puissant que lui. Et on a tout à perdre aussi. Qu'est-ce que tu as à perdre? Comment pour recouvrer? C'est ça le truc. Moi, je ne sais pas. Je ne peux pas avoir rendez-vous avec Mark Zuckerberg du jour au lendemain. Tu vois ce que je veux dire? Je te dis, je peux appeler Looney. Je suis sûr qu'il a des contacts avec des gens proches de Wayne. Et qu'il arrange, un rendez-vous avec même son majordome, si tu veux. Et que on fasse en sorte ça, c'est le plan. Que la petite soit rendue en toute discrétion. On n'est même pas obligé de rentrer. Je pense que tous les petits criminels à deux balles qui réclament des 2 000 $ contre une info pour retrouver sa fille, ils sont en train de blinder vers sa messagerie, son mail, tout ce que tu veux. Et que si on veut vraiment avoir une chance de le toucher et montrer qu'on est sérieux, il faut pas qu'on se mêle à cette foule-là, mais lui passe. Tu sais quoi, enfin, t'imagines le nombre de foule qui doit répondre. On a un avantage que les autres n'ont pas. On a la petite. Il nous suffit d'une information que personne ne sait, à part elle. Et ben, on pourra glisser un message et il saura qu'elle est avec nous et pas avec quelqu'un d'autre. Mais l'idée de la photo est pas mal. Ouais. Mais tu es sûr que Looney, il est... Ah, Looney, il est clean. Il nous a tiré d'affaire plus d'une fois. N'oublie pas quand même. Ça, j'ai pas de problème, mais est-ce qu'il a le numéro de la plus faudrait, lui envoyer une vidéo de 10 secondes d'elle devant les infos en direct, qui traite d'un truc qui a eu lieu, je sais pas moi, une explosion d'une bouche de gaz, un truc. Dans un endroit non reconnaissable. Oui, dans un endroit non reconnaissable, oui. Oui, mais tu vois, genre, elle regarde la télé, elle est bien, tu vois, elle se sent bien, donc du coup, comme ça, il est tranquille. Du coup, question pour le MJ, est-ce que Looney... avec tout son réseau, pourrait avoir un contact qui puisse nous mettre en relation indirecte, pas forcément avec Wayne, hein, il n'a pas son numéro. Hey Wayne, salut. sais pas. Moi, je ferais pas confiance à Looney. Il a peut-être gagné au poker. Looney a de toute évidence pas des contacts genre vers Bruce Wayne, genre comme ça. Ouais. Mais il doit connaître 2-3 mecs de la haute un peu louches qui pourraient... qui ont peut-être croisé Wayne à un bal ou un truc comme ça, un dîner de gala, c'est possible, ouais. C'est sûrement le mieux qu'il peut faire. Ça peut être aussi l'adresse du restaurant préféré de son majordome, tu vois. Ah, ou alors, on peut tout à fait faire en sorte d'essayer de se rencarder sur l'agenda de Wayne, de genre s'il va manger au restaurant. Excusez-moi, vous voyez que vous tournez tous et vous voyez dans l'entrée de votre pièce, du coup, la porte un peu entrouverte, c'est Megan. Ouais. Oh, attends, Megan, elle est restée avec la cabine, non? Oui. Oui. Parce que JB est là. Donc, oui. C'est pas Megan, c'est Alex. Excusez-moi? Ouais. Il y a deux mecs qui, a priori, veulent parler au patron et ils disent qu'ils sont là au nom... de Black Mask. Essaye de gagner du temps. On va envoyer quelqu'un. Tu dis qu'on arrive. J'aimerais juste proposer un truc parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens proposent des choses. Vu qu'il y a les deux mecs de Black Mask, moi je propose de mettre mon casque de moto, lui offrir un casque de moto à la gamine et foncer vers chez Wayne. Les mecs ils vont nous saccager toute la baraque. Je suis pas d'accord. Ouais, non mais le fric on s'en branle là actuellement, c'est nous, notre vie, à un moment donné je m'en fous. Ring sound the house, ok. Tu leur dis que tu les sers et qu'on arrive, on a un truc à terminer et nous ça nous laisse pas de planifier. T'inquiète pas, on se pointe, hein, mais on a juste un truc à terminer. Ok, il referme la porte. Écoute, bon bah voilà hein, les gars, je vous l'ai dit. Les infos vont vite, donc maintenant il va falloir se décider très vite. Ce que je propose, c'est qu'on essaye de l'emmener tout de suite chez Wayne. Moi je me propose. Je ferai tout mon maximum pour arriver avant et je mets la connaissance de tout ça. Ça va être bourré de journalistes. Non. Par contre, il faut d'abord qu'on fasse un petit peu, qu'on ziote un petit peu autour du Harolibi. Voir si c'est safe, parce que là ils sont deux, mais ça veut pas dire que autour. Sinon, on réutilise notre vieux tunnel. Ah, c'est avec la moto. Hein. Oui, avec la moto, ça pourrait le faire. Non, mais tu vas pouvoir accéder à la moto depuis le tunnel. C'est pas possible. Elle est dans le garage, je te rappelle. Hein. Non, mais après, j'imagine qu'on a pu, on a pu mettre des véhicules à des sorties stratégiques pour pouvoir partir en urgence, tu vois. Oui, allez, bon. Ça se tient, je veux dire, c'est pas comme si on n'avait jamais été dans la merde. Tu échappes à l'égout et tu t'en vas. Ça marche. Je prends un mini Uzi sur moi, au cas où si jamais il y a des gens qui essaient de se foutre entre moi et Wayne. Ok. Bon. Je vais chercher la gamine et je vais lui foutre un max de protect sur elle, en moto. Et je lui mets un casque avec des petites oreilles de lapinou. Moi, j'appelle Looney et je lui demande de savoir s'il peut se renseigner pour savoir où est Wayne en ce moment même. Mais non, mais ça, il va pas savoir. Bah écoute, il fait marcher le réseau et il essaie de savoir où il est. Il lui surtout de nous dire qu'est-ce qu'il y a dans le quartier vu qu'il connaît par cœur. Si jamais il y a voiture louche, il y a truc, c'est parce que nous aussi on doit sortir, je te rappelle. Ouais, mais ça, on peut demander à la resto. Non, on va pas trop faire les laisser traîner parce que je pense que. Enfin, je m'y connais pas énormément en mafia et tout, mais normalement je crois que ça se gère rapidement. Qui va voir? Pas moi. Bon, attends. Moi en tout cas je fais mon truc avec la gamine et tout ça et je me prépare avec la moto. Faut m'attendre. J'appelle vite fait Looney, je passe un message et s'il me répond, bah tant mieux, s'il me répond pas. Ok, c'est quoi la teneur du message? Alors, je qui se renseigne sur si savoir où est Wayne. Si je peux savoir où est Wayne en ce moment même. Tu lui envoies le message et rapidement, t'as un petit message qui dit genre « je suis dessus ». Ok. Et du coup, je sors du truc et je me dirige vers le bar. Attendez, j'ai changé d'avis. Je suis contre. Baptiste, il reste dans le tunnel, mais parce que personne connaît le tunnel. Mais il va pas voir Wayne parce que je suis toujours pas d'accord. On n'avait pas voté qu'on lui rendait la gamine. Si, on a voté. On est passé où la démocratie là. Tout ça, jamais, si rendre son argent. Monsieur le MJ, est-ce que moi je suis déjà sur la moto avec la gamine ou c'est ça met du temps? Bah, techniquement, tu m'as dit que tu partais, donc je pense que t'es au moins sorti de la pièce, t'es en train d'équiper la gamine pendant que ouais. Y a un changement d'avis. Ça marche. Ruby, on peut pas laisser passer autant d'argent et de pouvoir, c'est pas possible. Moi, je suis parti c'est compliqué, de Robin. On joue gros là, on joue gros. C'est qu'on peut, on a tout à y gagner, mais on a tout à y perdre aussi. Est-ce qu'on a vraiment envie de tenter ce raccourci là? C'est les jeux les plus risqués qui apportent. Ouais, mais là. Je crois que c'est plus le moment de gérer ça. Il y a des gens gros qui font partie d'une mafia. Très bien, mais. Ils vont saccager. Rapidement. Ils vont saccager notre barre. Bon, moi j'y vais, hein. Je suis parti à la rencontre. Autant pour un stand-by. Très bien, bah, il a donné sa voix, il est parti. Qui est pour la stand-by? Non, mais, oui, mais il faut temporiser. Mais je pense, enfin, on peut régler les détails après. Tu vois, de toute façon, là, il va pas y aller de là comme ça. Il va partir, donc. Ruby, tu es avec moi? Pour stand-by. J'aimerais comprendre avec l'accent. Il reste dans le tunnel, mais il part pas vers le way. Oui. Ok, ça me va. Très bien. Qui est contre? Non, mais personne. De toute façon, on s'en fout. De toute façon, je pense pas qu'il va atteindre le way là tout de suite, mais... Jean-Baptiste, attends, je peux voir Jean-Baptiste. Ok. Bah, de toute manière, tu croises forcément Jean-Baptiste, parce que c'est dans le sous-sol de votre sous-sol que vous avez fait un trou pour arriver dans les égouts. Donc tu le croises forcément en train de descendre sa moto dans le trou avec une espèce de petit ascenseur que vous avez fait entre-temps. Nous avons changé de décision. Tu vas devoir rester ici et ne pas aller au Moinard. Si jamais, bien sûr, tu entends feu ou pas venir, tu t'éloignes. Mais tu ne dois pas rester, enfin, tu ne dois pas aller au manoir. Est-ce que c'est clair? Je lui tends un téléphone portable. Je le regarde, je lui dis si jamais j'entends un coup de feu, je serai caché dans un appartement... chez mes contacts. Très bien. Merci Baptiste. De rien. je me casse avec la moto en attendant. Tu te barres du coup? Moi je comprends pas pourquoi il veut qu'on attende là alors que les mecs ils peuvent nous descendre à tout moment. Donc c'est la vie d'une gamine. Donc. Mais du coup tu vas au manoir ou enfin tu décides de désobéir et d'aller au manoir ou tu veux juste tourner dans les égouts? Je vais pas tourner dans les égouts parce que je sais pas. Ou tu veux aller directement à ta planque ou dis-moi. Je vais essayer d'aller à ma planque qui va au plus proche vers le manoir, on va dire. Il doit y avoir une planque. Ok, oui, il doit y avoir quelque chose de le plus proche possible. Ça veut pas dire que c'est proche, mais le plus proche par rapport à toutes tes planques. Je vais dire à la gamine, tiens-toi, je te mets la musique. Je mets la musique au hasard. Très bien. Je me rappelle quand on avait trouvé la Batcave. Tu mets de la musique et tu te barres. pendant ce temps, du coup, Pi, tu étais parti en premier. Oui. Tu as quitté donc la salle arrière et tu es arrivé dans la... dans le Hour Alibi côté client, pour en ouais. Tu trouves, du coup, bah, y a plusieurs clients un peu partout, hein, évidemment. Ça reste c'est pas mal peuplé, on va dire. Mais t'as du coup deux types en particulier qui sont accoudés au bar, qui ont l'air d'être un peu, tu vois, agacés par l'attente qu'on leur impose. C'est un type assez jeune, asiatique, un peu type coréen, qui a les cheveux un peu longs, coiffés en arrière, avec ouais. Une pilosité légère. Et à côté de lui, un mec qui a l'air plus européen, peut-être un peu de l'Est. Plus vieux, les cheveux grisonnants. Ils sont tous les deux dans des costards, cravates noires intégrales, très beaux. Il y a juste une petite... comment on appelle ça? Un petit chiffon, enfin un petit... qui dépasse de la poche, qui est d'un rouge pourpre. Mm-hmm. Et c'est le plus jeune qui du coup te voit arriver directement en train de le regarder, donc il a l'air de comprendre que tu vas engager la discussion avec lui. Mais moi j'arrive, tu sais, vachement jovial. Hey, salut les gars. Bon alors, comme ça on est venu boire un petit verre au Hour Alibi. Il inspire, il regarde un peu autour de lui et dit « Je suis pas sûr de faire confiance aux boissons ici, vu l'état des lieux. » Ah, franchement, t'as tort. On est peut-être un des meilleurs bars du coin. Et de loin. Ouais, du coin peut-être. Alors, qu'est-ce que je peux pour vous ? C'est toi le patron ? Ouais. Faut qu'on discute, on a 2-3 affaires à régler. Ok, bah écoutez, je les emmène un peu à l'écart des gens pour pas qu'on discute au bar. Je dis, écoutez, venez par là, on sera un peu plus tranquille pour discuter. Vous voulez boire autre chose ? Ça ira. Les deux te suivent et quand ils voient que du coup tu les amènes juste dans un coin, ils font. Ce serait peut-être mieux pour vous que ce soit dans un endroit où il y a personne. Tu vois que il, en disant ça, tu vois, il ouvre un peu sa veste et il montre que il y a un holster, mais il n'y a pas d'arme. Ok. Bah, j'imagine qu'on peut avoir une arrière-salle qui n'est pas forcément notre QG, machin, mais juste pour parler business, quoi. Ouais, la zone un peu de stockage. Ok, bah écoutez, bah, venez allons discuter un peu plus à l'écart, comme vous voulez. Très bien. Je vais boire quelque chose ? Non, encore une fois, non. Vous êtes sûr ? Enfin, oui, ce que vous voulez. Ouais, ouais. Tu vas donc à l'arrière-salle avec eux. Pour ce qui est de, du coup, bah, tous les gens qui sont restés là, c'est-à-dire bah, Marco, Xavier... Montre Jean-Baptiste, ouais. Ouais, est-ce que vous avez fini par les rejoindre ou vous êtes resté dans la zone secrète ? Ouais, je vais les rejoindre. Okay. Ouais, c'est mieux de rejoindre, je pense. Bon, j'imagine que il y a des caméras un peu partout et qu'il doit y avoir une salle chez nous pour pouvoir un peu voir ce qui se passe dans toutes les pièces et que celui qui serait resté à l'arrière, il pourrait tout à fait voir si ça part en sucette. Alors, des caméras cachées, du coup, parce que paraît très évident que dans le Hour Alibi, il n'y aurait pas de caméra. Oui, mais dans dans l'arrière-salle et dans le Hour Alibi, j'imagine que c'est une caméra qui n'est pas vue, qui n'est pas visible. Ok, d'accord. Ouais. Mais dans l'arrière-salle, voilà, il peut y avoir quelque chose. Plus bêtement, moi, je voulais remonter au niveau des appartements pour guetter depuis une fenêtre la rue, voir s'il y avait des signes suspects, comme des gants en planque qui s'apprêteraient à rentrer. Ok, très bien. Tu montes les escaliers, tu te mets à la fenêtre, tu regardes, t'essayes de voir s'il y a des gens. Tu vois qu'il y a une voiture qui est clairement trop luxueuse pour cet endroit, mm-hmm. pour votre quartier, sauf qu'elle est garée, il n'y a personne à l'intérieur, c'est peut-être la leur. Ok, il n'y a pas l'air d'avoir de mouvement autour. Il n'y a pas l'air d'avoir de personnes qui sont pas à leur place, en tout cas. Ok, parfait. Du coup, il y a Marco et Xavier qui viennent, c'est ça ? Ouais. Marco et Xavier sont avec toi, vous êtes croisés sur le chemin. Ok. Bah écoutez, je les présente. Bah, voilà, deux autres patrons, parce qu'on est toute une équipe. Donc, ils vont se joindre à nous pour discuter. Ça a l'air d'être plutôt important. Oui, très important. Bonsoir. Je vois que mon ami ne vous a pas fait la politesse de vous offrir à boire. Voulez-vous quelque chose ? Nous ne voulons pas voir. Merci beaucoup. J'adore. Ah, ils n'ont pas soif, qu'est-ce que tu veux ? J'ai proposé, Marco, mais ils n'ont pas envie de moi. J'ai raquija de mon propre cru que je ramène de Yougovie par moi-même. Vous devriez essayer. Ce serait un honneur de vous faire goûter notre culture nationale. Tout le monde n'a pas la chance de goûter ce breuvage. Allez. Peut-être à une autre occasion. Vous avez regardé les infos récemment ? Par rapport à quoi ? Les SDF. Il se passe tellement de choses à Gotham ou à Arkham que qu'est-ce qu'il fallait suivre en particulier ? La petite Wayne. La petite... Peut-être Wayne. Ah, c'est qui essaie de se faire de l'oseille sur le dos de... du grand Wayne. Oui. Il se trouve que, a priori, vous n'avez pas trop regardé les infos, ou peut-être de loin, la petite a disparu. C'est pas vrai. C'est vrai. Et oui. Bon, et comme nous sommes des gens respectables, comme nous n'aimons pas briser les familles, nous voulons qu'elles restent bien ensemble, nous sommes dit que nous allions la retrouver. Au nom du patron, évidemment, pour la ramener au Wayne, évidemment. Tout à fait honorable. C'est bien, c'est une bonne chose. Très bien, très bien. Et évidemment, donc nous avons des amis, notamment quelques personnes dans la Nets. Ouais. Qui ont accès à des caméras de sécurité. Et il se trouve qu'ils auraient vu une voiture dans les parages, dans votre zone, dans votre quartier. Une voiture qui aurait eu à l'arrière, en tout cas, une petite qui avait l'air de ressembler, d'après les caméras, à cette petite-là. Et il l'aurait vue chez nous ? Ouais. Autour de chez vous, par là. Ça. Il y a pas si longtemps que ça ? Dans la journée ? Peut-être hier soir ? Chose du genre ? Il va falloir qu'on se renseigne, ça. Je vais essayer de voir si pour appeler... L'immatriculation, le véhicule... Vous êtes parvenu sans ça, quand même. Oui, mais vous me dites du coup que vous n'êtes pas au courant, c'est ça ? Bah non, après on contrôle pas toutes les voitures qui roulent chez nous, quand même. Et puis hier soir, c'est-à-dire que, bon, on était assez occupés. Ah. On a nos business à gérer, quand même, comme vous, oui. Quoi. Je me doute. Mais on peut se renseigner, en tout cas. On peut se renseigner, en tout cas. Ça, c'est pas un problème. Mm-hmm. Si... Donc vous... Ouais. Vous me dites que vous voulez pas coopérer, c'est ça ? Coopérer, bah si, j'ai dit qu'on pouvait se renseigner. Donc on coopère. Bien sûr. Oui, d'accord. Tu nous donnes une voiture, nous on te la trouve, pas problème. Pas de problème, très bien. Eh bien, vous savez quoi ? Je vous fais confiance sur votre volonté de coopérer. Je vous fais confiance. Je vais juste devoir vérifier. Vérifier quoi ? Rien d'embêtant, vous inquiétez pas, aucun meuble sera retourné, pas de soucis. Il se tourne vers son ami, enfin son collègue du coup qui est le plus âgé, et il lui fait un signe de tête et le mec plus âgé du coup repart pour par la porte qui mène directement à la partie accessible au public. Ouais. Du avoir alibi. Genre il quitte la pièce et pendant que la porte se ferme, vous voyez qu'il se met juste en position devant la porte pour pas se faire déranger, pour pas que vous soyez dérangé. Ouais. Il vous regarde et il parle, peut-être. Il dit quelque chose, presque sûr qu'il dit quelque chose parce que ses lèvres bougent et vous entendez, vous sentez les ondes dans vos oreilles, il y a quelque chose, mais qu'est-ce qu'il a dit ? Et alors vous vous concentrez, du coup, il dit « Eh bien, merci beaucoup de votre coopération. J'imagine que nous allons devoir nous activer pour trouver votre cher ami. Hein ?»« À bientôt. » Et il se retourne, la porte s'ouvre et il va pour quitter le Hour Alibi. Vous avez compris ce qui vient de se passer, là ? C'est habituel dans vos rendez-vous de... Je sais pas, je bouge très sèche, c'est tout ce que j'ai l'impression. C'était trop bizarre. Mais du coup, il a compris ou... A priori, j'ai bien compris qu'il essayait de retrouver quelqu'un qu'on connaît. Donc le seul qu'on connaît qui serait susceptible de... C'est JB. Ouais. On peut lui envoyer un message je sais pas, est-ce que c'est une bonne idée d'envoyer un message ? Attends, j'ai un téléphone pour lui parler. Ouais, c'est bien. C'était trop bizarre. Il est très malin. Il nous a quoi, hypnotisé ou fait une merde dans ce genre-là ? Bah, ce serait bien qu'on soit aussi fort que moi. C'est pas possible d'hypnotiser moi.